Alors, de la perspective de l'anthropologie, on passe désormais avec un cas tout à fait singulier qu'on pourra discuter tout à l'heure, on passe à la science politique et naturellement aussi par ce biais-là à l'économie. Michael Levy, donc changement climatique, le rôle du capitalisme et l'alternative éco-socialiste. Merci. Je voudrais commencer par dire un mot sur la politique de la science, qui est le thème quand même de notre séminaire. Bon, sur le changement climatique, on a réussi à constituer un organisme disons important, qui est le GIEC, le groupe international d'études du climat, avec des milliers de scientifiques du monde entier, qui a réussi un consensus sur une série de questions, vous connaissez, je n'ai pas besoin d'expliquer, sur la nature du changement climatique, ses dangers, etc. Bon, nous savons qu'un très petit, vraiment un très très très très petit groupe de scientifiques, marginaux, disons, s'est opposé à ce qu'on appelle climato-scientifique, le climato-négationniste. Il y en a eu quelques cas en France, très rare, il y en a un peu plus aux États-Unis. Mais bon, on pouvait considérer du point de vue scientifique un phénomène marginal, comme il y en a eu toujours dans l'histoire de la science, on peut multiplier les débats. Eh bien, il s'est fait que cette idée-là, la négation du phénomène du changement climatique, ou le scepticisme, enfin ça vous dit même, cesse à partir de quelques jours d'être un phénomène marginal, pour devenir la doctrine officielle d'État de la principale puissance industrielle de la planète, depuis l'élection du nouveau président américain, j'ai oublié son nom, donc, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, c'est un changement très significatif, qui a des conséquences scientifiques, mais aussi politiques, parce que on assiste tout de suite, là, ça commence déjà, à une tentative, officielle, de réduire les scientifiques au silence. C'est-à-dire, un décret qui est sorti, les scientifiques, notamment ceux qui s'occupent du climat, sont interdits de donner des déclarations à la presse, aux médias sociaux, etc., etc., sans passer par leur supérieur, par un accord de leur supérieur, etc. Bon, il faut dire qu'une tentative de ce type avait déjà eu lieu à l'époque de George Bush. La cible était James Hansen, qui est un des principaux climatologues à la NASA. On lui avait interdit de parler parce qu'on disait ce que vous dites n'est pas d'accord avec la doctrine du gouvernement américain, mais lui, il a passé outre. Bon. Et ces décrets-là, c'est juste une partie. Bon, on sait que dans l'intention de la nouvelle administration, on va fermer tous les départements d'études climatologiques de la NASA pour s'occuper d'autres questions beaucoup plus importantes, par exemple comment envoyer une navette spatiale à d'autres planètes, etc. Donc on va éliminer les études climatologiques de la NASA, etc., etc. Donc il y aura une politique de la science, disons, nouvelle, avec des conséquences dramatiques. Bon, c'est étrange, c'est quelque chose de, je dirais, presque sans précédent. Il faut revenir quelques siècles en arrière. Bon, il faut revenir peut-être à l'époque où Galilée avait été interdit de dire que la Terre se bouge par l'intuition. Bon. Voilà, on assiste à des choses vraiment inédites et évidemment extrêmement inquiétantes. Bon, je commence donc avec cette petite introduction. Bon, mais revenons, disons, au discours scientifique sérieux, disons, à la question du changement climatique. Et je pense qu'il y a peut-être une rectification à faire par rapport à, disons, ce qu'on dit souvent, d'habitude, disons, la réflexion sur le changement climatique, et ça a à voir avec les échéances temporelles. Bon, par exemple, maintenant, Hans Jonas, qui est un philosophe très important de l'écologie moderne, bon, son livre Le principe de responsabilité est paru il y a quelques dizaines d'années. Bon, enfin, c'était un livre très important pour la réflexion philosophique sur l'écologie, d'un point de vue éthique notamment. Et il disait, son argument principal était, nous avons une responsabilité envers les générations à venir, non encore nées, que nous ne connaissons pas, les petits-fils de nos petits-fils, parce que la façon dont nous agissons dans la planète va conduire à une catastrophe dont vont souffrir ces générations à venir. Donc, c'était ça qu'il appelait le principe de responsabilité. Bon, moi, je pense, peut-être j'ai tort, que cet argument est dépassé. C'est dépassé. C'est-à-dire, ceux qui vont souffrir des conséquences du changement climatique, ce n'est pas les petits-enfants de nos petits-enfants, etc. Ce n'est pas les générations à venir, c'est les générations qui vivent maintenant, hein, notamment les jeunes. Donc, c'est une question qui cesse d'être un raisonnement moral un peu abstrait, bon, il faut penser, pour devenir une question politique actuelle. Je pense qu'il faut faire ces changements. Et ça vaut aussi pour un autre argument qui est un peu plus sérieux, mais disons, qu'on trouve très souvent dans les médias, mais aussi dans les travaux scientifiques, qui dit, voilà ce qui va se passer dans l'année 2100. La température va augmenter de tel, le niveau de la terre va augmenter de tel, etc. Je pense qu'il faut éviter cette formule. Pourquoi? Bon, je vais en discuter avec vous. Pour deux raisons. La première, scientifique. Bon, je ne suis pas géologue, je ne suis pas climatologue, mais enfin, je lis un peu ce qu'ils écrivent, et tous, souvent, disent ce qui est en train de se passer, c'est imprévisible. Ce que nous avons prévu il y a un an ou même il y a 6 mois est déjà dépassé. Ça va beaucoup plus vite. Les choses se précipitent. Nos prévisions étaient trop optimistes, etc. Ça revient constamment. Donc, je trouve que ce n'est pas raisonnable de dire ben, je veux prévoir ce qui se passe en année 2100 et avant ça, bon, il n'y aura pas de changements. Hein. Non, franchement, il faut éviter. Et il faut laisser ouverte, cet espace d'indétermination, je pense, qui est intrinsèque à la réflexion scientifique, et surtout essayer de réfléchir sur ce qui va se passer dans 10, 20, 30 ou 40 années qui concernent les gens qui vivent actuellement, pas l'année 2100. Et l'autre raison, à mon avis, est politique, parce que pour la plupart des gens, les chiffres 2100 n'est pas intéressant. Dans l'année 2100, nous serons tous morts, comme disait Keynes, donc ça ne nous intéresse pas. Donc je pense que c'est une erreur à la fois scientifique et politique, mais ça revient comme un mantra, 2100, voilà ce qui va passer en 2100. Je pense qu'il faut dépasser ça. Bon, maintenant, je vais passer à la troisième section. Petite intervention qui est, bon, à qui la faute, à qui la faute. Bon, disons, l'accord scientifique sur le changement climatique, c'est qu'il est provoqué par l'action humaine, d'où le terme anthropocène. Qui appelle ça. Ce qui est absolument juste, très important, parce que, encore il n'y a pas longtemps, il y avait des scientifiques qui disaient, Claude Alex, je ne me trompe pas, que c'est pas l'activité humaine, c'est les taches du soleil, ou je ne sais pas quoi. Bon, il y avait différentes tentatives d'expliquer. Bon, tout ça a été vite, heureusement, éliminé. Mais, bon, dire que c'est l'action humaine, c'est juste, mais c'est un peu court. Pourquoi? Parce que, comme nous savons, l'être humain vit sur cette planète depuis je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'années, et le changement climatique, c'est un phénomène qui commence à partir de la révolution industrielle, et va en s'accélérant, notamment s'accélère énormément dans les dernières décennies qui sont l'époque de la mondialisation capitaliste néolibérale, pour appeler les choses par leur nom. Bon, donc voilà la responsabilité pour cette catastrophe annoncée, c'est notre civilisation, la civilisation industrielle occidentale, capitaliste, notamment sous ses formes actuelles de la mondialisation. Bon, voilà, je pense qu'il faut partir de ça pour réfléchir à des alternatives. Parce que si c'est la cause, il faut penser à quelles peuvent être les alternatives. Bon, à l'intérieur, disons, un exemple. Donc, si le problème est systémique, si le problème a à voir avec le système du capitalisme industriel moderne, bon, c'est pas un problème de la bonne ou mauvaise volonté de tel ou tel gouvernement, de tel ou tel industriel, etc. C'est un problème beaucoup plus profond, plus systémique. Mais à l'intérieur du système, il y a un groupe, disons, de puissance économique, politique, etc., que j'appellerais, donner un nom, l'oligarchie fossile, des gens, des entreprises, des puissances économiques qui ont des intérêts directs en rapport avec les énergies fossiles. Bon, ça fait l'industrie du pétrole, évidemment, du charbon, du gaz de schiste, etc. Et les centrales thermiques au charbon, une bonne partie de l'industrie des transports, automobiles, camions, etc. Bon, tout ça forme un énorme système, un énorme complexe qui est entièrement fondé sur les énergies fossiles. Bon, et cette oligarchie fossile, évidemment, a une influence politique très grande. Bon, là, aux États-Unis, maintenant, il est au pouvoir directement. Mais même là, il n'est pas directement au pouvoir. Et là, un pouvoir, maintenant, un pouvoir. Bon, ce qui explique, bon, c'est une des explications du fait que toutes les conférences internationales sur le changement climatique ont été, sont terminées d'une façon extrêmement décevante. Même les plus avancés, comme était la conférence de Paris, la plus récente, qui a abouti quand même à un accord international, ce qui n'était même pas en avant. Mais malheureusement, si tous les pays qui se sont engagés à réduire leurs émissions tiennent leurs promesses, ce qui est très très peu probable, malheureusement, entre autres raisons parce qu'il n'y a pas aucune instance de contrôle vraiment et aucune instance de sanction. Donc, chaque pays va faire un peu ce qu'il veut. Mais si tous ces pays tenaient leurs engagements, ce qui est très peu probable, eh bien, les scientifiques ont calculé la température de la planète va augmenter par rapport à la température du ciel de 3 degrés. Mais on sait que c'est une fois qu'on a dépassé les 2 degrés, on entre dans une dynamique qui devient irréversible, incontrôlable, etc. Donc les 3 degrés, c'est déjà la catastrophe annoncée. Bon, donc voilà un peu. C'est, disons, le résultat de ces conférences, c'est un symptôme, disons, du fait que dans le système économique, politique de notre civilisation industrielle capitaliste, on va difficilement s'en sortir. Bon. Et ça a à voir avec des choses qui sont inhérentes au système, comme la nécessité de l'expansion permanente, la compétition impitoyable pour le parti de marché et le fait que le système est fondé sur une rationalité partielle où chaque industrie essaye de se développer, de gagner de profits, etc. C'est tout à fait logique. Hein? Mais cette rationalité partielle devient une irrationalité globale. Hein? Bon. Parce que cette rationalité partielle exige, par exemple, d'éviter toute réglementation écologique, parce qu'elle devient un obstacle. Hein, et c'est tout à fait logique que les industriels veulent se débarrasser de ces contrôles et le font de toutes les formes possibles. Bon, le cas Volkswagen, etc., c'est juste un exemple de ça. Donc, il y a cette tension entre... cette contradiction entre rationalité partielle de l'entreprise et irrationalité globale du point de vue climatique, elle est inhérente au système. Bon, donc, si le problème est systémique, s'il a à voir avec le capitalisme industriel moderne, bon, quelles sont les alternatives? Alors, et je voudrais vous présenter dans les 4 minutes qui viennent. 5 minutes. Hein? 5 minutes, ah, formidable. Une proposition alternative qui commence à être discutée dans pas mal de pays, mais notamment aux États-Unis, hein, c'est intéressant, notamment aux États-Unis, qu'on appelle l'écosocialisme. Bon. Alors, il y a donc déjà toute une littérature d'économistes, de sociologues, de philosophes, qui ne sont pas d'accord sur tout, il y a même des débats entre eux, des controverses, etc. Enfin, il y a, disons, un courant de pensée, de réflexion qui propose cette alternative, qui est une alternative radicale. Hein? C'est clairement une alternative radicale parce qu'elle veut s'attaquer à la racine du problème. La racine du problème, c'est le système. Bon. Donc, le capitalisme. Alors, parmi les auteurs, bon, je vais citer juste quelques noms, il y a des gens comme John Bellamy Foster et Brett Clark, qui sont les éditeurs de la revue de la Monthly Review, qui est une revue d'économie de gauche connue aux États-Unis, Ian Angus, qui est canadien, Joël Covell, auteur du livre L'ennemi de la nature, etc. Bon, donc il y a une avance qui propose, disons, cette alternative radicale. Alors, c'est quoi l'écosocialisme ? Bon, l'écosocialisme reprend de la tradition socialiste quelques thèmes, quelques idées générales, par exemple l'idée de la propriété collective des moyens de production, l'idée de la planification démocratique de l'économie, mais dans une perspective maintenant nouvelle, écologique, qui implique une rupture, disons, avec certains éléments de la tradition socialiste, ou même de la pensée de Marx, par exemple, l'idée que, disons, une vision critique du développement des forces productives, hein, qui est un thème classique de la pensée marxiste, et tout ça. Donc, à la place du développement des forces productives, l'écosocialisme introduit l'idée d'un changement radical de l'appareil productif, un changement profond de l'appareil productif, tout d'abord en termes de ses sources d'énergie, sortie de l'univers des énergies fossiles, leur remplacement par des énergies renouvelables, mais aussi un changement du mode de consommation, parce que l'actuel mode de consommation est totalement insoutenable. Donc il faut penser à, non, pas simplement en termes de réduction quantitative de la consommation, mais un autre mode de consommation qui a aussi un rapport avec une autre façon de produire. Par exemple, ne plus produire des marchandises avec une obsolescence programmée, mais produire de biens de consommation qui sont réparables, par exemple, qui sont durables, etc. Changement de mode de transport, etc. Bon, au fond, ce que propose l'écosocialisme, c'est un changement de paradigme de civilisation. C'est quelque chose de très profond, très radical, plus radical, disons, que la pensée socialiste classique. Parce qu'il met en question l'appareil technique, le mode de vie, etc. Donc, il y a voilà une proposition qui est révolutionnaire, il faut le dire. Hein. L'écosocialisme, c'est une proposition qui est révolutionnaire. Mais peut-être il y a une certaine réformulation du concept même de révolution, et je vais finir par ça. Je pense que dans l'écosocialisme, l'idée de révolution se rapproche de ce que Walter Benjamin, vous avez entendu parler, définissait dans ce passage de ses thèses sur le concept d'histoire. Alors, Walter Benjamin s'est considéré comme marxiste, mais bon, ici ou là, il fait quelques critiques à Marx. Et une de ses critiques est la suivante. Marx disait que les révolutions sont les locomotives de l'histoire. Mais, disait Walter Benjamin, peut-être, c'est la chose est un peu différente, peut-être que les révolutions sont l'humanité qui tire le frein d'urgence pour arrêter les trains. Et je pense que cette formule s'applique à l'idée écosocialiste, à la proposition écosocialiste, qui part de l'idée que nous sommes tous passagers d'un train suicide, hein, qui est le train de la civilisation capitaliste, qui va à une rapidité croissante vers un abîme, qui est la catastrophe écologique, et qu'il est urgent d'essayer d'arrêter ce train. Merci. Merci.